Alors moi, évidemment, j'ai été extrêmement intéressée, très attentive à tout ce qui a été dit. Et vous n'allez pas être étonnée de ce que je vais vous dire. Tout ce que j'ai entendu, que je savais, des choses que je savais, des choses que j'ai apprises, je l'ai mis en lien avec la maison des tresses et lacets, bien sûr. Et du coup, ça a augmenté encore l'importance et la valeur de ce lieu qui est quand même dépositaire d'une mémoire matérielle et immatérielle qu'il faut pas lâcher là, il faut pas qu'on lâche prise du tout. Voilà. Bon, alors, en tout cas, merci Olivier, merci Jacques, parce que vraiment, on sait tout sur les métiers maintenant. Et donc, à la Maison des Tresses, on a des métiers Richard Chambovet. Absolument, qui ont été perfectionnés par Richard Chambovet. Et ils ont tous été construits, Guy, ils ont tous été construits à Saint-Chamond. Tous. Et ils ont plus de 100 ans. 14 fabricants. Voilà. D'accord. Alors, moi, je vais rapidement... la prestation, elle va être en deux temps. Moi, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on fait de la tresse au 21e siècle, à quoi sert-elle, comment est-elle utilisée. Et ensuite, je passerai la parole à Gisèle, Hélène, Eva, parce que ce sont des designers qui font partie d'un collectif stéphanois qui s'appelle le collectif FU. Eva Premilieu est en résidence chez Olivier Verriel et ce sont des designers qui pratiquent l'art textile contemporain. Et c'est extrêmement important parce que vous savez, quelquefois, on se dit, oh là là, la maison des tresses et lacets, c'est un vieux machin, il y a des métiers qui ont plus de 100 ans, mais pas du tout. On n'a rien de passéiste. On s'inscrit complètement, d'abord, Olivier opine du chef, on s'inscrit complètement dans l'actualité textile au niveau de... Évidemment, nous, on n'est pas une entreprise. Hein. Nous, on est dépositaire, c'est conservation, valorisation. Et on produit à la marge. Mais franchement, moi, je trouve ça... Ces moments-là que vous nous faites vivre, c'est formidable. Bon. Alors, je vais donc présenter la tresse dans notre quotidien. Alors, Olivier l'a dit, la tresse est partout. Donc, on ne peut plus se passer de la tresse. Mais, quelquefois, vous savez, quand nos visiteurs ils sont dans notre boutique, ils disent, mais à quoi ça sert tout ça? On utilise comment? À part les lacets. Et vous allez voir que la tresse, elle est partout. On ne peut pas s'en passer. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que a dit Olivier, parce que la tresse existe pratiquement depuis la nuit des temps, cette vieille chaussure qu'on a trouvée dans les glaces avec un lacet. Donc là, au XVIIe et XVIIIe siècle, la tresse était réservée aux gens riches, parce que les vêtements qui sont présentés, c'est pas des vêtements de paysans, hein, c'est pas des vêtements de serfs. Et là, par exemple, il y a des lacets, mais là, il y a un passepoil. Et je trouve ça assez intéressant. Et puis là, ce sont des garnis. C'est un vêtement liturgique parce que c'était utilisé beaucoup pour en garniture des vêtements liturgiques et de travailler avec des fils d'or. Alors, au 19e, ça a été l'explosion de l'utilisation du tressage. Donc là, c'est une robe qui a été faite au 19e siècle avec passepoil, cordelette tressée, galon. Là c'est de la passementerie avec tressage et passementerie, et ce sont des tentures qui sont des tentures de luxe, bien entendu. Et actuellement, je pense qu'Olivier sera d'accord avec moi, il y a certaines entreprises, Gautier notamment, qui font des fabrications pour des travaux de restauration de luxe dans les châteaux. Par exemple, voilà, c'est entre autres une utilisation de ces fabrications. Et puis évidemment, les fauteuils. Tout le monde sait que sur un fauteuil, on met du passepoil. Mais on peut mettre autre chose que du passepoil. Alors, c'est là où tout d'un coup, Vous, les 30 Glorieuses, ça vous dit quelque chose, c'est les années 70. À cette date-là, le textile, la fabrication textile en France s'est effondrée. Ça a été vraiment le coup dur. Et puis, pourquoi ? Parce que les pays, la Chine en particulier, essentiellement la Chine, a fabriqué et a inondé les marchés. Mais, et je trouve ça formidable, les tresseurs, ils ont rebondi de façon exceptionnelle. D'abord, ils ont modifié, pas modifié la production, mais ils ont modifié et amélioré les techniques et ils les ont modernisées. Mais en même temps, on continue à utiliser des métiers bois. Et je vais vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas. On est les premiers, les tresseurs en France, les tresseurs français sont les premiers au monde dans les fabrications de luxe. Bravo les tresseurs. Et après, il y a eu une. Donc ça a été la première révolution parce qu'il y a des tas d'usines qui se sont fermées, mais les tresseurs qui sont restés en place, en lice, ils ont rebondi de façon magistrale. Et Olivier, Gauthier et bien d'autres, ben, tout le monde connaît Effet Passementerie. Ils croulent sous les commandes. Mais c'est pas des lacets. Je pense pas qu'ils fassent des lacets, Effet Passementerie. Non. Ils sont spécialisés dans d'autres productions. Et ça, c'est vraiment formidable. Et puis il y a eu encore une seconde évolution, mais la technique, c'est technique, et puis dans l'utilisation des produits, des matières premières, c'est-à-dire que les tresseurs ont utilisé, enfin, se sont investis dans la fabrication de tresses technique. Et hier matin, il y a un petit groupe qui est allé visiter les tressages métalliques Forissier à Saint-Chamond, qui avant était l'entreprise Fraissinet. Donc il y a eu une. Alors ça, je trouve ça important de montrer combien les tresseurs ont su de façon extrêmement intelligente aller jusqu'à une production qui fonctionne très très bien. Voilà. Alors, maintenant, je vais très rapidement, parce que je vais laisser la parole au designer. Voilà, c'est le nouveau tressage. C'est la mode et la haute couture. Et il y a de nombreux couturiers qui passent des commandes auprès des tresseurs en France, dans notre région également. Alors là, c'est Yves Saint-Laurent qui a mis donc des galons. Là, c'est évidemment Coco Chanel. Alors Guy, est-ce que vous confirmez ce que je vais dire? C'est que Coco Chanel venait souvent à Saint-Chamond, voilà, et elle rencontrait des tresseurs, et avec les tresseurs, elle choisissait la couleur, le motif, la largeur. Et nous avons, donc ça c'est un tailleur Coco Chanel, et nous avons à la maison des tresses un métier qui fait des tresses Chanel, mais on ne les vend pas à Chanel. Et puis là, c'est une création Yves Saint-Laurent. Alors ce que vous voyez là, ça ressemble à ce que Effet Passementerie, entre autres productions, fait dans ses ateliers. Et Effet Passementerie exporte aussi évidemment dans le très loin, mais en Europe bien sûr, mais au-delà de l'Europe. Après, alors ça c'est le renouveau du tressage. Je me suis permise, Olivier, de prendre si vous voulez faire des commentaires. Donc les lacets, bien sûr. Quand nos visiteurs s'en vont, ils disent « Ah, ça y est, on sait comment nos lacets sont fabriqués. » Donc on vend beaucoup de lacets à la Maison des Tresses. Et ils sont ferrés par Jacqueline sur notre table à ferrer les lacets en laiton. Alors il y a les lacets. Il y a aussi des accessoires, c'est du pur et dur tressage. Il y a les sangles, ça c'est Satab à Saint-Étienne, peut-être que vous connaissez. Les brandebourgs, ça c'est Effet Passementerie à Saint-Paul-en-Jarret. Des boutons. Et là, alors à Jonzieu, il y a une entreprise, je crois que Monsieur Sahuc était là hier matin, une entreprise Michel Sahuc qui travaille et qui a des machines à tresser. Il n'a pas de métier bois, mais c'est du tressage traditionnel. Et j'en viens aux tresses techniques. Alors, je ne vais pas vous donner de détails techniques, parce que c'est le propos n'est pas là. C'est simplement pour vous montrer l'évolution formidable des activités de tressage. Donc là, c'est l'entreprise qui a été visitée hier matin, c'est les tressages métalliques forissiers Saint-Chamond. Ça, c'est pour vous montrer la manière dont les tresseurs du coin ont rebondi. Saint-Chamond, Dargoire. Alors, Dargoire, c'est ATG Composite. Ils exportent dans le monde entier et ils travaillent des matières qui sont différentes. C'est pas la soie, c'est pas le coton. Donc, ils travaillent le carbone, le verre, l'aramide. Donc, l'an dernier, on a fait une exposition. On a exposé des travaux des réalisations, des productions de ATG Composite. Et puis, les cordes. Alors, je suis sûre que si je passais la parole à Olivier, il pourrait vous parler des tresses techniques et vous citer au moins 100 productions de tresses techniques. Mais simplement, moi, ce que je voulais montrer, c'est la richesse, l'inventivité, l'ingéniosité des tresseurs français. J'espère vous l'avoir démontré. Voilà, merci à vous. Alors. Donc je vais commencer. Donc on est avec Gisèle Jacquemet et moi, Hélène Jospé. On est on fait partie du collectif FU qui s'appelle Fil Utile. Et c'est un collectif qui a été créé en 2019 pour la Biennale de Design de Saint-Étienne. C'était, on a fait un projet textile et la Biennale nous a demandé, nous a sélectionné pour faire partie, et on a fait partie de la Biennale IN pour proposer un projet textile. Et je vais vous expliquer donc la raison pour laquelle ce collectif s'est créé à Saint-Étienne. Donc à Saint-Étienne, au XIXe siècle, la ville était extrêmement prospère et il y avait énormément d'industries entre les mines, les aciéries, le textile, les armes et les cycles. Il y avait même une école des beaux-arts qui formait des futurs artistes ou des futurs élèves ou des futures personnes qui travaillaient sur le textile pour les fleurs. On apprenait à faire des fleurs, ce que j'ai fait quand j'ai fait les Beaux-Arts de Saint-Étienne. On apprenait à faire de la gravure, on apprenait à faire de la sculpture, tout ça pour les arts à Saint-Étienne et la région. Donc on appelle ça maintenant « design ». Et en 1999, le directeur de l'école des Beaux-Arts, qui s'appelait Jacques Bonaval, a eu l'idée de créer la première biennale de design de Saint-Étienne. Donc le design, c'est ce qui réunit évidemment tout le savoir-faire industriel. D'autre part, à Saint-Étienne, on a un musée d'art moderne, qui est un des premiers de province. On a un musée d'art et d'industrie, dans lequel se retrouvent tout le textile, les armes et les cycles. On a un musée de la mine et donc énormément de savoir-faire, ce qui fait que Saint-Étienne est une ville extrêmement... Il y a un énorme vivier artistique, aussi bien au niveau des arts, de tous les arts, du design et des métiers d'art. Donc c'est la raison pour laquelle Jeanne Goutel, qui est donc une designer textile, reconnue, a eu l'idée donc pour cette biennale de réunir un groupe de personnes voulant travailler autour du textile. C'est pour ça qu'on a appelé cette association Fil Utile. Donc dans cette association se réunissaient, par exemple, dans cette association, il y a par exemple des plasticiens qui sont artistes, plasticiens, donc qui font de la peinture ou qui sont, il y a toutes les catégories d'art. Il y a aussi des tisseurs, il y a des designers qui travaillent beaucoup avec, par exemple, Jeanne Goutel, elle travaille avec les stocks invendus de gens d'industrie qui font de la sangle, par exemple, ou des rubans. Il y a aussi une tresseuse dans notre groupe qui s'appelle Sarah Reville, qui a commencé sa carrière ici en travaillant sur les métiers de la maison des tresses et qui a créé sa propre petite entreprise à Saint-Chamond. On a aussi Gisèle, donc, qui est plus plasticienne. Moi, je suis peintre textile et j'utilise la technique de la région Rhône-Alpes pour peindre mes tissus, avec la technique du batik et avec les savoir-faire de l'industrie textile. Voilà, donc on a d'autres personnes qui sont... On a une tisseuse, on a aussi Bruno, oui, mais qui est plasticien. Donc, Luce Chazalon nous a invité, le collectif, à venir faire un travail pour cette manifestation Tresse Alors. Et on nous a donné des tresses fabriquées par la Choletaise sur place et la Maison des Tresses et Lacets. Et on devait rendre une œuvre faite avec ces matières. Donc, dans notre collectif, on utilise beaucoup de ce qui existe. On n'achète rien, on récupère. Donc, c'était un peu le challenge. Et voilà, donc chacun et chacune a fait une œuvre. On est 7 à avoir participé sur 14. On est 14 dans cette association. On est 7 parce que le temps était assez limité. On a eu 2 mois pour faire ce travail. Et bon, on a chacun et chacune des activités aussi... assez importante. Et bon, ça nous a énormément intéressés. Donc il y a le côté plutôt design, il y a le côté plutôt artistique, il y a le côté plutôt sensible, il y a le côté... Donc c'est ce que, si vous n'avez pas vu l'exposition, on aura le plaisir de vous la faire visiter par la suite. Donc vous voyez qu'on favorise les énergies, les synergies autour du textile, parce que notre région, évidemment, étant une région textile, toute la région Rhône-Alpes, on a voulu créer un réseau de professionnels dans la filière textile, sensibiliser aux enjeux de la filière textile de demain, etc. Donc voilà, ça c'est une partie, là on peut le passer assez rapidement, c'est l'exposition qu'on a faite pour la Biennale de design de Saint-Étienne. On est parti sur le jaune comme couleur, parce que c'était... post-Covid, ça avait été reporté à cause du Covid, donc on a eu 2 ans pour préparer cette exposition, ce qui était quand même très agréable pour ça. On est parti donc sur la couleur jaune, si tu peux passer s'il te plaît. Ensuite, pourquoi on voulait créer cette association? C'est parce qu'on se trouvait vraiment tous très isolés dans nos ateliers, donc on a eu envie de se réunir, et l'idée a été donnée que chacun donne des éléments de son travail dans un pot commun. Ensuite, chaque élément a été tiré au sort, et dans l'œuvre qu'on devait restituer, la matière qu'on avait tirée au sort, devait être intégrée dans l'œuvre. Voilà. Donc ici, par exemple, sur l'œuvre de gauche, c'est une c'est Sarah Reville qui avait fait avec de la tresse des alvéoles pour les abeilles, parce que le thème était sur la perte des abeilles et sur l'histoire des abeilles qui sont en train de péricliter. Donc l'artiste Dominique Torrente avait fait tout un travail là-dessus. Voilà, donc celle de droite, c'est une artiste aussi qui travaille, qui va par exemple dans les casses de voitures, qui récupère des éléments rouillés, et ensuite elle les brode avec du fil de fer, etc. Sur la gauche, c'est Jeanne Goutel, donc avec les récupérations de sangles qui lui sont données par les maisons Satab, et qui a fait donc une œuvre comme un pont. Ici, c'est Gisèle Jacquemet, donc ici présente, et Sabine Feliciano. Sabine Feliciano est brodeuse et graphiste. Gisèle donc est artiste, et elles ont donc créé une œuvre tout en avec des points. Du trafilo, là. Voilà. Et ensuite, toujours Sarah Reville, qui est tresseuse, et qui a fait tout ce travail sur un poème qu'elle a réécrit avec un fil métallique enrobé de fil de coton. Et elle est partie d'une broderie qu'elle a tirée au sort, qui se trouve au milieu, qui avait été faite par Sabine Feliciano. Ensuite, sur la gauche, c'est un métier à tisser qui a été créé avec des éléments de récupération. Et sur la droite, un travail très très intéressant fait par Nadine Cahen et Costanza Matteucci, qui c'est des camemberts qui ont été faits en textile et qui représentent un petit peu l'histoire du textile qui est un énorme pollueur et qu'on essaye de diminuer dans le monde. C'est-à-dire la part du coût, par exemple, d'un t-shirt en Inde, au Pakistan, en Europe, un peu dans tous les pays. Donc on ne voit pas de près, mais c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'on a l'impression que c'est en suspension et en fait... c'est appliqué avec les petites notifications sur chaque partie. Et en bas à droite, c'est les compositions, le textile. Dans les années au 19e siècle et actuellement, toutes les matières naturelles ont diminué complètement pour devenir des matières plus chimiques. Ensuite, là, c'était aussi... Tu voulais rajouter quelque chose ? Vas-y. Non ? Donc c'est Gisèle qui va vous parler des... les différents travaux qui sont en bas. Merci, Hélène. Alors, moi, je vais essayer d'être assez rapide aussi maintenant, puisque vous pourrez profiter de l'exposition. Et donc, je ne suis pas là pour vous donner le mode d'emploi pour regarder les œuvres, mais seulement vous donner quelques mots-clés pour pouvoir rentrer dans les pratiques, puisqu'en fait, ce sont à chaque fois des personnes différentes, avec des histoires différentes, des parcours différents. Donc, c'est bien peut-être de juste cerner un petit peu qu'est-ce qui est en jeu dans ce qui vous est proposé. Alors, ce qu'on peut déjà peut-être dissocier sur ce que peut proposer le collectif FU et sur ce qui est présenté par Eva, on va être, nous, sur une démarche, on va dire, plus élémorphique, hein, ce qui veut simplement dire que les artistes qui sont présents ont eu accès donc, à la collection, à des tresses, à des lacets, et qu'ils ont façonné ces tresses, c'est-à-dire qu'ils les ont modelées, qu'ils les ont emmenées vers des réponses plastiques dont les tresses ont subi des transformations. À la différence de Eva, et c'est bon, peut-être que vous pourrez la rencontrer dans la journée, qui elle a été accueillie en résidence, et peut-être qu'Olivier pourrait aussi nous en dire deux mots, c'est que là, on va être plus dans une démarche morphogénétique, c'est-à-dire que Eva va vraiment concevoir la tresse, vraiment dès le départ dans la conception, le choix des fils, la façon dont ils vont être agencés sur la tresse, pour arriver vers l'œuvre plastique, c'est-à-dire que selon la disposition ensuite des tresses, eh bien, il va y avoir toute une harmonie de lignes et de couleurs qui vont se composer sur l'œuvre. Voilà, c'est un petit peu juste la nuance entre les deux approches. On va commencer ici avec Chloé. Donc, Chloé est tisserande, donc elle vit dans la Creuse. Et elle a donc des productions, enfin des métiers très artisanales. Elle est sur un choix de tresses carrées et de lacets. Et là, ça va être le mariage entre tissage et la tresse. Donc elle va introduire la tresse au sein du tissage. Et entre autres, ici, c'est le tissage, c'est la technique d'armure reps. Donc le tissage reps, ça veut dire qu'il y a une grosse quantité de fils sur la chaîne, beaucoup, beaucoup de fils au centimètre. Et il va venir donc par-dessus la trame. Alors peut-être qu'on peut faire la diapo suivante. Voilà. Et donc, c'est la trame qui va faire le motif. Et on va voir que la tresse, non, c'est la chaîne qui va faire le motif. Et donc, la tresse, elle rentre donc dans la trame avec des débords et des choses qui font qu'elle vient faire un ornement sur le tissage. Donc, on est vraiment dans une approche très, très matière, très métier d'art, très, très tissage. Alors avec Costanza est graphiste, scénographe, et là on va rentrer dans le travail de façon plus conceptuelle. Costanza, elle va s'intéresser à la tresse dans ce qu'elle a dans son historicité, et on l'a bien vu aujourd'hui qu'elle vient elle vient de loin, et comment elle est aussi, elle porteuse de sens, mais elle arrive aussi dans le présent aujourd'hui. Et cette façon d'être traversante et de faire le lien, elle fait une métaphore en se disant que est-ce qu'elle n'est pas là aussi pour réparer, pour tenir. Et dans sa façon de la mettre en matérialité, elle va utiliser donc la céramique à travers un objet quotidien qu'elle va présenter comme s'il était donc brisé en deux morceaux. Et elle va utiliser, donc on peut voir la diapo suivante, elle va utiliser le lacet pour faire le lien, en fait, pour remettre ces deux pièces en vis-à-vis et d'imaginer que cette réparation, en fait, n'est plus vraiment une réparation, mais elle va générer un objet hybride, c'est-à-dire remettre aussi une forme de nouveauté possible entre cette métaphore. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis, mais c'est une façon d'être dans une inventivité, quelque chose qui réinterroge aussi cette place de la tresse dans des objets autres. Valérie Métras, elle est fondatrice du jardin des plantes à couleurs, donc dans la Loire. On va être dans une tresse ici qui va se mettre au service plutôt de la figuration. Elle part donc d'une phrase qui s'appelle, donc c'est le titre de l'œuvre qui s'appelle La tête hors de l'eau, qui est une approche beaucoup plus subjective et qui va nous ramener plutôt à une expression d'ordre un peu plus art brut ou art premier, si on voit qui pourrait nous ramener en fait à des représentations de l'art premier, sans qu'évidemment, on est dans une présentation plus contemporaine. Mais on va voir que la tresse, elle va venir faire le graphisme, puisque tout ce qui est en fait qui va faire le détail du visage, ce sont en fait des tresses qui ont été découpées et qui viennent faire dessin en fait. Pour Marit, elle est de formation, elle est plasticienne, formation plutôt architecture. Elle est très sensible en fait elle travaille, donc cette œuvre fait partie donc d'une série qui s'appelle donc Conquête de territoire chiffon habité, et à la conquête d'un territoire nouveau, parce qu'en fait ce sont des draps qu'elle récupère et qui sont souvent rapiécés, sur lesquels il y a encore des traces de mémoire, de choses qui ont modifié l'apparence de cette toile qui est porteuse aussi par l'usure et les traces d'humains. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce rapport de distanciation, puisqu'elle peut nous le ramener à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire d'une vision beaucoup plus éloignée, sur lequel apparaissent donc des petits clous qui pourraient être aussi des présences et des choses qui sont en fait qui viennent circuler dans un espace assez aléatoire. Donc voilà, c'est une confrontation entre une tresse qui ramène une certaine rigidité dans un espace qui se construit de façon beaucoup plus désordonnée. Marie Collin-Madan, elle est designeuse textile, et là on va voir que la tresse est plutôt utilisée pour faire du motif, parce que c'est aussi dans sa pratique que de produire du motif. Elle a une grande pratique sur le patchwork, et ce qu'on voit dans l'exposition, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'installation ou la superposition, en fait, de comment on peut aussi rentrer dans l'habitat, donc comment mettre en synergie, en communication ces matériaux. Là, donc, Gisèle Jacquemet, donc c'est moi. Je suis plasticienne. J'ai été formée à l'école des beaux-arts de Valence. L'approche qui est faite ici, elle a plusieurs portes d'entrée. Elle a déjà sur la partie déjà très impressionnée sur ce que j'ai pu aussi découvrir dans le travail de Jacqueline, dans les métiers qui tournent, et donc cette fascination de la cinétique et du mouvement. Donc là, c'est des choses qui ont été ramenées peut-être à une échelle très très fine, mais très linéaire et très du lien dans l'espace comme un mouvement possible. Et puis, une autre porte d'entrée peut-être aussi sur la question de l'organique. C'est vraiment quelque chose qui est très présent dans mon travail et qui arrive aussi sur différents registres, mais en tout cas sur des travaux que j'ai pu faire autour du cocon. Et ma façon d'appréhender la tresse, ça a été essayer de la montrer un peu sous tous ses aspects, c'est-à-dire de pouvoir la mettre comme sujet premier de l'œuvre, de la voir aussi dans sa réaction avec la lumière, dans différents états, entre en tension, plissée, écartée, voir les fils qui la composent comme le point d'introduction, et de la mettre aussi en cohabitation avec une autre matière qui est la soie. Ce qui a été aussi un travail assez délicat d'ajustement et d'équilibre entre les deux matières. Et puis le travail donc d'Hélène qui est peintre textile, qui a une très très belle pratique de la peinture sur soie. Peut-être que certains ont déjà vu des travaux d'Hélène qui a exposé aussi à la Maison des Tresses et Lacets. Donc on va vraiment rentrer ici, la tresse va être comme si c'était un coup de pinceau, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va appartenir à la picturalité, à la peinture. Dans le process, elle travaille très souvent sur des très très grandes bandes de soie, et là on est dans la représentation, donc sur quelque chose de très linéaire, sur des lignes de couleurs. Et puis cette pièce est suspendue. Elle est donc en soie et elle reprend en fait la rotation qu'elle a pu observer, parce qu'elle est très très inspirée en fait par le lieu qu'elle connaît très bien. Et donc c'est une façon d'être aussi en hommage et en relation avec toute cette, je veux dire, cette énergie ou cette cinétique qui est assez magique de ces métiers. Et elle nous fait tournoyer la couleur sous les yeux, quoi. Donc c'est une incrustation de tresses au sein de la soie, puisqu'elle vient, elle a découpé sa grande bande pour en faire un cercle, et toutes les chutes de soie sont revenues sur le dessus de la pièce en étant nouées par des croquets, par des tresses et différentes. Donc le titre de la pièce c'est Ric-Rac. Donc, qui signifie en anglais le croquet zigzag. Croquet. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vais prendre la parole quelques secondes parce que je trouve cette présentation extrêmement intéressante, parce qu'elle va dans le sens et elle complète de manière artistique la petite présentation que j'ai faite sur l'utilisation de la tresse. Alors, simplement, avec ce monsieur-là, Olivier Verriel, Jacqueline, où est Jacqueline ? Guy, s'il vous plaît. Jacqueline ? Alors, l'utilisation au sens noble du terme, l'utilisation artistique de ces fabrications, merci pour ce que vous avez fait, c'est quand même le résultat d'un travail. Guy, Olivier, Jacqueline. J'ai pas fini. Et Gigi. Et Alain, justement, parce qu'il y a eu des séjours fréquents à la Maison des Tresses alors qu'elle était fermée, qu'il faisait froid. Ils ont travaillé dans l'atelier de 8h du matin à 8h du soir. Hein. Bon. Et moi, je voulais absolument souligner ça, parce qu'ils ont réparé certains métiers, ils les ont entretenus, ils ont fait des créations, ils ont fait 36 créations en utilisant des matières différentes, 3000 mètres de tresse. Et je voulais absolument le souligner, parce que c'est vraiment, d'abord... Comment dire, c'est une collaboration exceptionnelle qui s'est passée dans la bonne humeur, même si quelquefois ça coinçait un peu au milieu avec les métiers. Mais franchement, merci à vous. Inutile de vous dire que moi, les métiers, je sais les mettre en route quand il faut, mais point barre. Hein. Donc, je me souviens d'un jour où je voyais Alain qui était sur un métier concentré et tout. Il me disait, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pas un mot. Au bout de 4-5 heures, le métier était réparé. Autre exemple, un grand métier, 96 fuseaux. Je dis à Guy, oh là là, mais ce métier, il faut qu'on le jette. Il a retenu. Et alors, il me dit, attendez, Luce, attendez un petit moment. Bon, je m'éloigne. Au bout d'un quart d'heure, Luce venait. Il avait réparé le métier. Il a même volé sur le métier, puisqu'on l'a attrapé avec des photos. Il était debout au milieu du métier. Ah oui, on l'a pris en photo, il gesticulait sur le métier. Et alors, on l'a appelé le tresseur volant. Le Guy Volant. Le Guy Volant. Voilà. En tout cas, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été une expérience formidable. Jacqueline, tu es d'accord? On a beaucoup travaillé. Et puis, je trouve que c'est quelque chose de très complet. C'est-à-dire qu'on est parti de la technique et on est arrivé aux œuvres qui ont été présentées. On peut aller voir l'expo, hein, si vous voulez, maintenant. Voilà. Alors, merci, merci, merci à tous. Vraiment, vraiment. Bien. Alors, on va terminer, mais effectivement, Eva n'a pas voulu venir parler, mais je vais illustrer un petit peu ce qu'était un petit peu l'aventure avec elle. Donc, en fait, nous sommes, nous, industriels, on est 60 personnes, vous le savez, et que la relation entre l'industriel et l'art n'est pas quelque chose d'évident. Et pourtant, nous sommes labellisés par l'État, entreprise du patrimoine vivant, et la relation avec l'art, moi, me paraît assez évidente, en réalité, puisque sans arrêt, nous créons des nouvelles choses. Et donc, qui dit création, on peut dire agiter ses ménages et quelque part, eh bien, aller vers l'art, même si nous, il y a une finalité de vendre. Mais je vous donne un exemple. On vient de produire la dernière collection qui va être exposée au Salon international Première Vision. Il y a 200 créations dedans qui sont faites et qui donnent lieu, d'ailleurs, à un crédit d'impôt collection. Voilà. Alors, après... il y a toujours eu des artistes et des personnes qui sont venues à l'usine et ça prend une dimension actuellement très forte dans le cadre du RSE puisque tous ces artistes s'intéressent à ce qui est jeté pour le recycler. Donc là, il y a eu un exemple tout à l'heure avec un confrère de la région. Nous, il y a un exemple ici qui est le sac Cabade à Maurice Poudré qui est en vente dans la boutique. Ça a même donné lieu à la création d'un éditeur d'une autre société qui s'appelle Made by Bobine où on vend des lacets qui sont en réalité des fins de production. Donc plutôt que les jeter comme avant, on les met à vendre. Le cabas qui est vendu. Il y a une lampe qui a été créée avec des sangles qu'on fait pour un grand maréquinier. Et donc les sangles font les solutions de portage et des bracelets, tas de choses. Et puis, on a tout de suite eu l'idée de prendre des artistes en résidence, c'est-à-dire qu'ils viennent passer des semaines à l'usine, tout le temps sur les métiers bois, parce que c'est pas dangereux, et puis que ça attire, c'est vraiment très beau, pour faire des créations. C'est-à-dire qu'aller plus loin que prendre des choses recyclées, mais prendre des fils souvent qu'on jette, et on leur a appris à enfiler le métier et à créer, à fabriquer de manière, avec une vision artistique, ses produits. Alors, c'est ce qu'a fait Eva. Eva est arrivée dans un cadre assez particulier. C'est un petit peu une boutade, c'est qu'il y a eu une réforme des entreprises du patrimoine vivant, de sa belle d'État, et il a été confié la responsabilité au préfet de suivre en région le label, les entreprises labellisées. Nous sommes 1400 en France, dont, alors dans votre région, je commençais par votre région, c'est bien normal, il y en a 600. Beaucoup, donc. Nous, en Pays de Loire, nous sommes une centaine. Et dans la région Aura, le préfet a tout compris. C'est la DRIT, c'est-à-dire les services économiques qui suivent les EPV. Mais dans notre région, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du préfet, mais c'est la DRAC qui a été nommée. Alors, la dame qui s'occupe de la DRAC et qui suit les EPV a tout compris aux EPV. Donc, elle, comme je suis président de l'association des EPV, s'est dit, tiens, on va lui faire plaisir à celui-là, il ne va pas m'embêter comme ça. Et ils m'ont nommé une résidence d'artiste. Alors, ça a été une rencontre inattendue, extraordinaire, parce qu'on a rencontré Eva, on a rencontré la DRAC. Ça a donné lieu à une première exposition dans notre région. Et puis, on était tellement contents qu'on a redéployé cette exposition-là. Et bientôt, il y en aura une à la Maison Victor Hugo, Place des Vosges, en septembre, lors de la Design Week, où Eva sera exposée avec notre aide. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça nous apporte, nous, qu'industriels? Je pense que le travail et tout ce que vous avez dit dans le collectif FU donnent des ouvertures et peuvent même donner des opportunités commerciales. Que ça nous pousse dans ce qui est l'ADN, le centre d'un industriel comme nous, le savoir-faire et aller plus loin. Ça va nous pousser quelquefois à trouver des nouveaux matériaux. Et Eva, effectivement, avec ces présentations très géométriques, ce prisme qu'elle a donné à nos produits, magnifique, ce qui rappelle un peu le Bauhaus d'ailleurs, hein, dans l'histoire de l'art, nous a poussé à avoir une autre vision sur nos produits. C'est très inspirant, c'est très joli. Donc voilà, c'est une aventure qui a commencé par une rencontre inattendue, la deuxième expo maintenant, et puis bientôt en septembre une autre. Alors je voulais finir par une dernière chose sur tout ce parcours qu'on a eu avec Luce et puis la maison. C'est vrai que ça a été une très belle rencontre. Pour nous, bien évidemment, il y avait cette filiation avec Guy, c'était l'usine où il était né. C'est le parcours industriel qu'on continue et on avait envie que cette maison continue aussi. Bon, dans un contexte économique de la maison qui n'était pas évident, donc on a fait un accord pour apporter aussi un financement hein, derrière tout ça et du temps, beaucoup de temps pour refaire fonctionner les métiers. C'est une transmission de savoir-faire à Jacqueline et qu'on continuera s'il faut hein, pour que les métiers puissent tourner, qu'ils soient bien réglés. On a encore des projets. Hein. Hier, nous étions au taquet pour rénover le métier taquet. N'est-ce pas, qui est très particulier. Donc, cette histoire-là, pour nous, bah, c'est dans notre mission de PV, tout simplement. Outre la belle rencontre, qui sont toutes les principales, c'est aussi une façon de diffuser à un large public ce savoir-faire né ici dans la région du Tresseur. Voilà, merci.